François Morel, c'est à vous. Ce que je n'aimerais pas dans la vie, c'est être le cardiologue d'Alain Finkielkraut. Non, ne vous énervez pas, ne vous irritez pas, ne vous crispez pas, respirez, soufflez, Alain, je vous le dis franchement, je n'aime pas quand tout d'un coup vous éructez, vous rougissez, vous devenez fébrile, agité, exalté, j'ai peur pour vous, vous m'inquiétez. À 66 ans, vous rajeunissez un peu, la moyenne d'âge des académiciens français, ce serait dommage de vous perdre si tôt, j'ai envie de vous dire Alain, calmez-vous, prenez vos gouttes, ce n'est pas si grave, ça va passer. Je sais bien qu'il existe beaucoup de sujets qui peuvent mettre en colère. Mais vous occupez une situation inconfortable, vous êtes un philosophe médiatique, autant dire un oxymoron. La philosophie a besoin de calme, de retenue, d'isolement, de silence, de méditation, d'approfondissement. Le monde médiatique a besoin de bruit, de coups, de fureur, d'éclat, de nouveauté. Choisis ton camp, camarade. Parmi les sujets qui peuvent vous agacer, il y a le rire. Croyez-moi si vous voulez, je suis souvent d'accord avec vous. Quand vous citez Chris Marker, l'humour et la politesse du désespoir. Quand vous dites détester le rire qui rit de tout sauf de soi, quand vous craignez que l'humour apparaisse comme une fragile parenthèse dans l'histoire du rire, quand vous dénoncez la violence des brigades du rire. Je vous écoute et même je vous entends. Je peux bien sûr tomber dans les travers que vous dénoncez. Parfois, pour faire un mot, on vendrait son père, sa mère, ses enfants et Nadine Morano, ce qui, entre nous soit dit, nous débarrasserait. Et quand je tente de faire de l'humour, j'essaie, comme vous m'y invitez, de ne pas m'acharner, de ne pas choisir des têtes de turc, de ne pas me moquer du physique, du handicap, de ne pas systématiquement faire mon papier sur Nadine Morano, qui pourtant, par ses déclarations, ses interventions dans le débat public, encourage chaque semaine les humoristes à la facilité et à la paresse. Mais de même que j'espère pour lui, l'on ne peut pas réduire la pensée de Michel Onfray au seul fait qu'il ait traité Manuel Valls de crétin, on ne peut pas réduire l'humour à trois saillies ratées d'humoristes contemporains. L'humour est une soupape, une réparation, une consolation. Je n'aime pas non plus l'hilarité perpétuelle. On n'est pas obligé de rire de tout, tout le temps. Mais n'est-ce pas aux personnes brocardées de se montrer plus respectables si elles veulent être plus respectées? N'est-ce pas d'abord à elles de chercher à atteindre un niveau moral intellectuelle qui leur permettrait de ne pas être touchés par les flèches des humoristes. Vous détestez les clowns gueulards, cependant, vous écrivez dans la revue Causeur. On voit par là que vous n'êtes pas à une contradiction près. Vous citez Michel Rocard qui regrette que la profession politique ne bénéficie plus du respect qu'on avait pour elle du temps où elle passait pour efficace. Mais Michel Rocard était resté complaisamment sur le plateau d'une émission de télévision dans laquelle un rigolard lui demandait si Sucé s'était trompé. Je ne trouve pas que la suppression des guignols par Vincent Bolloré soit un signe encourageant. Je pense à Cabu pour qui rien ne devait entraver le droit à la caricature, fût-elle excessive. Il reste pour rire Nadine Morano, qui n'a jamais eu besoin de sa marionnette pour paraître caricaturelle. Alain Savage, je vous ai pas trop énervé. Non, j'étais calme d'ailleurs tout au long de cette émission, je vous rassure. Tout va bien. J'aimerais évidemment pouvoir continuer la discussion avec vous, mais je suis de ceux qui sont descendus dans la rue pour dire je suis Charlie. C'était une manière d'exprimer mon attachement à la satire et à l'humour et à Montaigne qui disait c'est mettre ses conjectures à bien au prix que d'en brûler un homme tout vif. Merci Alain Finkielkraut, merci à vous François Morel, à vendredi prochain.